Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé selon la chair? Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Dieu. Car que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru à Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi lui est imputée à justice. Comme aussi David exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant « Bienheureux sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché. » Cette déclaration donc de la béatitude, est-elle seulement pour la circoncision, ou aussi pour le prépuce? Car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à justice. Comment donc lui a-t-elle été imputée? Ah, c'était lorsqu'il était déjà circoncis, ou lorsqu'il était encore dans le prépuce? Ce n'a point été dans la circoncision, mais dans le prépuce. Puis il reçut le signe de la circoncision pour un sceau de la justice de la foi, laquelle il avait reçue étant dans le prépuce, afin qu'il fût le père de tous ceux qui croient étant dans le prépuce, et que la justice leur fût aussi imputée, et qu'il fût aussi le père de la circoncision, c'est-à-dire, de ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais qui aussi suivent les traces de la foi de notre père Abraham, laquelle il a eue dans le prépuce. Car la promesse d'être héritier du monde, n'a pas été faite à Abraham, ou à sa semence, par la loi, mais par la justice de la foi. Or, si ceux qui sont de la loi sont héritiers, la foi est anéantie, et la promesse est abolie. Vu que la loi produit la colère, car où il n'y a point de loi, il n'y a point aussi de transgression. C'est donc par la foi, afin que ce soit par la grâce, et afin que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père de plusieurs nations, devant Dieu, en qui il a cru, lequel fait vivre les morts, et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. » Et Abraham ayant espéré contre espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit, « Ainsi sera ta postérité. » Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut point égard à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par défiance, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse, était puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Or, que cela lui ait été imputé à justice, il n'a point été écrit seulement pour lui, mais aussi pour nous, à qui aussi il sera imputé, à nous, dis-je, qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification.